pauvres vont crever. C'est une question de temps. Dans les hôtels de luxe, les riches se prélassent. En France, on expulse les gamines de 13 ans. Le ministre s'en branle, c'est un gros dégueulasse qui pose la question qui dérange, qui impose le tempo, la sueur et les larmes au fond de ton ennui. Tu te noies dans l'étrange. Pour l'Indien Navarro, c'est un adieu aux larmes. Dans ce monde pourri, par le fric et l'envie, que tu parles d'amour et des élans du cœur. Tu vomis sur les cons et sur tous les lentilles. Tu craches ton venin, ton dégoût et ta peur. Le fusil dans les pognes, les flics sont arrogants. Tu te retrouves seul au milieu des chacals. Au loin une sirène, c'est l'ordre fascisant. Tu craches et tu dégueules tous ces visages pâles. Cet univers glauque, il faut savoir crever. On choisit le moment, on soigne les blessures. Une dizaine de corps embrassent le pavé et remplissent en silence vers cette déchirure. Le ciel est vert de gris, nous n'irons plus danser. Tu as sorti ton flingue, ton ombre est fugitive. Il reste le bruit des bottes et l'état policier. Dans ce monde de dingue, ta douleur est captive. Les pauvres vont crever, c'est une question de temps. Dans les hôtels de luxe, les riches se prélassent. En France, on expulse les gamines de 13 ans. Le ministre s'en branle, c'est un gros dégueulasse qui pose la question qui dérange, qui impose le tempo, la sueur et les larmes.